Laissez-moi vous révéler la vérité sur Big City. Sortir n'est pas permis. Chaque carrefour est un danger de plus. Bob! Dost? Chapeau. Chef! Kate! Owen! Matteo! Do it! Kevin! Scabon Puit! Vas-y! Burger! Kekette! Monsieur le Président Maire! Au secours, Monsieur le Président! Vous êtes notre seul espoir. Êtes-vous pacifique?